إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سؤال: كيف يوحد الله؟ كيف نوحد الله في الصفات؟ لابد بنفي وإثبات النفي. نعم، بالنفي والإثبات. ما هو الغالب في الصفات الثبوتية؟ التفصيل. التفصيل. وفي الصفات المنفية؟ الإجمال. Et est-ce que c'est dans l'absolu ? Là, il y a des moments où dans la thubutiyya, c'est venu avec un ijmal aussi. Ou al-manfiyya, c'est venu avec un tafsil. Zakara sababayn dhalika. Tu peux te rappeler deux causes pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala fait un tafsil dans les sifat al-manfiyya ? Pour démentir les kuffar, ce qu'ils disent les accusations avec les kuffar. Naam. Le deuxième, c'est pour... souvent que tu peux penser, par exemple, comme Allah il a créé la terre, il a créé tout ça, les samawati wal ard, tu peux penser que les terres, mais en fait. Non, Ahsan. Est-ce que l'ishtirak fil asma implique forcément tamafil, yani le tajbih avec les créatures? Hatta bayna al makhluqat, c'est pas forcément tamfil. Non. Le fait que des noms soient communs entre les créatures elles-mêmes n'implique pas forcément la ressemblance, ni dans la nomination, ni dans les sifat. Donc on a expliqué que Baina al-Khaliq wal-Makhluq Mab al-Awla. Taïm, Wasil. Qala al-Mu'allifu Rahmanahu ta'ala. Faslun. في الزائرين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته. Donc là, il va démontrer les égarements des gens, ceux qui sont égarés de la voie des messagers et de leurs suiveurs dans les noms et attributs. قال الزائرون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء وصفاته فإسماء الله وصفاته قسمان ممثلة ومعطلة. Donc ces gens-là sont deux catégories. Les ممثلة et les معطلة. Je vais expliquer chacun d'entre eux qui sont-ils. وكل منهم غلا في جانب وكسر في جانب. Donc les deux ont exagéré dans un côté et ont négligé un autre côté. فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وَقَصَّرُوا فِي جَانِبْ النَّفِي. Donc les mouassila, eux, ce qu'on appelle aujourd'hui anthropomorphistes, qui font ressembler à Allah sa création, ils ont exagéré dans l'affirmation et ont été négligents dans la négation. وَالْمُعَطِّلَ غَلَوْا فِي جَانِبْ النَّفِي وَقَصَّرُوا فِي جَانِبْ الْإِثْبَتْ. Quant au mu'attila, ceux qui suppriment les choses, eux ont exagéré dans le côté de la négation, ont été négligents dans l'ifbat, au contraire. فَخَرَجَ كُلُّ مِنْهُمْ عَنِ الْاَعْتِدَالِ فِي الْجَانِبَيْنِ. Donc les deux, au final, sont sortis de la voie du juste milieu. Donc on fait trop d'un côté et passe de l'autre. قَالَ. Donc aujourd'hui, on va parler du qism al-awwal qui sont les mumassila. Et comme je te le dis, souvent c'est traduit par anthropomorphistes, c'est-à-dire ceux qui font ressembler Allah à l'homme. Bon, en fait, c'est plus large que ça. Car le tamthil, les deux qismain, les deux catégories. Tajbih, al-makhlouqat il al-khaliq, il ressemble la créature au créateur. Wa thani, wa akbah, wa akbath, tajbih al-khaliq al-makhlouqat. C'est le contraire. Faire ressembler Allah à la créature. D'accord ? Tandis qu'on parle à la créature à Allah, tandis qu'on parle à Allah à la créature. Et ça, bihasb ilmi, en islam, je ne connais pas de secte qui fasse cela. Cela a été connu chez les koufars comme les chrétiens, qui ont fait ressembler le créateur à la créature. Ils l'ont même représenté, ils l'ont dessiné, ils l'ont décrit. Wal'a'adhu billah. Mais en islam, j'ai pas connaissance de secte qui fasse du tamfil. Mais le tamfil est présent chez les hommes. Qal. فالقسم الأول الممثلة وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين. Donc eux, ce sont les gens qui ont affirmé et qui confirment les sifat d'Allah. Mais de quelle façon? De sorte à ce qu'ils ressemblent aux sifat des makhlouqin, des créatures. فَقَالُوا لِلَّهِ وَجْهِ وَيَدَانِ وَعَيْنَانِ كَوُجُوهِنَا وَعَيْدِنَا وَعَيُنِنَا وَنَحْوِ ذَلِكَ. Ils ont dit que Allah est un visage, mais comme le nôtre. Deux mains, mais comme les nôtres. Deux yeux, mais comme les nôtres. Un visage, mais comme le nôtre. وَشُبْهَتُهُمْ فِي ذَلِكَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى خَاتَبَنَا فِي الْقُرْآنِ بِمَا نَفْحَمُوا وَنَعْقِلُ قَالُوا وَنَحْنُ لَا نَفْحَمُوا وَلَا نَعْقِلُوا إِلَى مَا كَانَ مُشَاهَدًا فَإِذَا خَاتَبَنَا وَإِذَا خَاتَبَنَا عَنْ الْغَائِبِ بِشَيْءٍ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْمَعْلُومِ فِي الشَّاهِدِ. C'est quoi leur chouboite à ces gens-là qui les ont amenés à dire cela? C'est qu'ils disent que Allah dans le Coran nous a parlé avec ce que l'on comprend et ce que notre raison accepte et conçoit. Donc nous, on ne peut comprendre ni concevoir que des choses que nous avons vues. Et ils disent, lorsque nous, on parle d'une personne absente, d'une chose qui est absente, nous sommes obligés de comparer cette chose absente à une chose connue et vue auprès de nous. Demain, ils parlent d'une chose qui n'est pas présente, pour te la faire comprendre, ils vont te la faire ressembler à une chose que tu connais, que tu as vue. On va dire ça, c'est comme ceci. Ça, c'est comme cela. ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. Donc, comme à son habitude, le shir, il va réfuter leur madhab, qui est faux, avec les preuves sam'iyya, prise des nusus, des textes, du aql, de la raison, et du his, du constat. Et sache que là, ce qu'il va citer dans ce bab-là, ou avec les mu'attila, ça se répète beaucoup. Si tu as compris les bases, bah, t'as mché alayha, inshallah, l'umur sahla. Tu as compris certains versets qui sont des versets murkama et des versets qui sont des usul, tu restes dessus, tu t'y accroches, inshallah, tu vas répondre à beaucoup de choses. Tu verras beaucoup des shubuhat qu'il va réfuter, c'est les mêmes réponses qui se répètent. Après, il y a des petites furuq, des fois qui viennent, mais la base, c'est quasiment tout le temps la même. Tu as compris la base, le reste, c'est comme des branches. Tu as le tronc avec toi, le reste sont des branches. فهمت هذا؟ أما السمع فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Parmi les nusus, la parole d'Allah, dans le sens où il dit, il n'y a rien qui est comme lui, il est l'audient et le clairvoyant. Donc il dit bien, il n'y a rien qui est comme lui. Ça fait, ça stoppe qui ça? Les mumassila. Il n'y a rien qui est comme lui. وقال فلا تضربوا لله الأمثال. Ne donnez pas à Allah, on va dire, des égaux. Sur tes abeilles, verset 74. Et ces versets-là, ce sont des versets clés, comme je l'ai expliqué. Garde-les bien en tête, car tu vas souvent avoir les, tu auras souvent à les citer dans ce genre de situation. في الآية الأولى نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له. وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال أو تضرب له الأمثال. فجم في حاله ايتين بين النفي والاثبات او النفي والنهي plutôt بين النفي والنهي. Donc là dans le premier verset, il a refusé que quoi que ce soit lui ressemble, tout en affirmant lui et la vue. Et dans l'autre verset, qu'on ne lui accorde pas d'ego, c'est-à-dire qu'on ne le compare pas à autre chose. Donc là, c'est quoi le jam entre ces deux versets? C'est la négation pour que ce soit lui ressemble, et l'interdiction de le faire ressembler, de le comparer à ses créatures. il te dit rien, il le ressent dans un verset, dans l'autre, il le compare pas aux autres. Donc ça c'était Adilat al-Sam'iyya. Wa ma al-aql fa dalalatuhu ala butlan at-tamthil min wujuh. Avec le aql, il va réfuter maintenant. Par différents points. Awalan at-tabayun bayna al-khaliq wal-makhluq fi al-dhat wal-wujud. Wa hadha yastalzimu at-tabayun fi as-sifat. Lina as-sifat kull mawsuf taliqu bihi fal-ma'ani wal-awsaf tataqayyadu wa tatamayyizu bihasb ma tudafu ilayhi. Donc là, ça ressemble à ce qu'on a appris hier. Il a dit que la différence entre le Khaliq et le Makhlouq est évidente dans l'essence et dans la présence. Donc cela implique la différence dans les sifat kazalik. Car chaque sifat, chaque attribut qui était accordé à une chose, lui revient à lui-même, lui convient à lui-même. Comme on a dit hier. Donc l'essence des sifats, leur sens, les descriptifs, se conditionnent et se différencient et se distinguent en fonction de les choses dans lesquelles tu les apparentes. Comme on a dit hier. Hier, on a dit que la patte de l'éléphant, ce n'est pas la patte du moustique. Le corps de l'éléphant, ce n'est pas le corps du moustique. Et pourtant, le mot corps est présent chez les deux. Ça revient à ce qu'on a dit hier. Athani, un alcool. بالمماثلات بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه وتعالى لأن تمثيل كامل بالناقص يجعله ناقصا. Donc le fait de comparer le khaliq au makhlouq, cela amène à quoi? Un manque dans le khaliq. Pourquoi? Car tu compares la perfection à l'imperfection. Donc forcément, ça va amener quoi là, cette perfection? À avoir des défauts. On peut comparer le parfait à l'imparfait, c'est pas possible. Comparer le parfait à l'imparfait mettra le parfait au rang de l'imparfait. La qualité, tu l'as mis au rang du défaut. الثالث أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. Donc cette mumathila, ce tamthil du khaliq avec le makhlouq, ça emmène quoi? Ça annule la servitude réelle. C'est-à-dire que il n'y a pas une personne qui ait une raison, dotée de raison, qui ne s'humilie et se rabaisse avec un ta'zim absolu que pour une chose qui est supérieure à lui. D'accord? Donc là, si jamais tu compares Allah à la créature, tu vas descendre Allah et le ramener au rang de la créature. Donc là, ça va faire quoi? Ta oboudia, elle va baisser. Ça, c'est Adilat Aqliya. Il y en a plein d'autres. Ici, celle-ci seulement, elle suffit. Amma al-his, le constat, fa inna nushahidu fil makhlouqat ma tashtarik asma'uhu wa sifatuhu fil lafz wa tatabayyanu fil haqiqa. Donc là, il dit, le his, le constat, il va répéter ce qu'on a dit hier. Que même si les choses, les noms sont communs entre les créatures, ainsi que les attributs, et dans les termes, en réalité, il y a une différence entre elles. Comme il le dit par exemple, le fil, l'éléphant, il a un corps, une force. Le moustique, kazalik. Est-ce qu'ils sont pareils? Ils ne sont pas pareils. Donc là, comme il l'a dit hier, donc si jamais on doit faire une différence entre les créatures entre elles, alors entre le créateur et les créatures, même Aoula. Il a chaque. Bel, tabayun bin al-khaliq wa al-makhlouq wa ajib. Wa tamasil mamnou wa ghayat al-mumtina. Comme l'a dit hier, différence entre le khaliq et le makhlouq, c'est obligatoire. Et le fait de comparer entre les deux est une chose qui est inadmissible. C'est inadmissible d'agir dans la sorte. Amma kouluhum anna Allah ta'ala khatabana bima na'akilu wa nafhamu, fa sahih. Likoulihi ta'ala, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan 'allakum ta'qilun. Et dit le fait par contre dans ce qu'ils ont dit les mufassila que Allah nous parle avec ce qu'on comprend et ce qu'on conçoit, ça c'est vrai. Allah dans le Coran, il dit bien dans le sens, on en a fait un Coran en arabe afin que vous puissiez raisonner. Sourate l'ornement verset 3. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. Il a dit un livre que nous t'avons fait descendre qui est Mubarak afin de pouvoir méditer ces versets et que les gens dotés d'intelligence se rappellent. Surah Al-Sad, verset 29. وَقُولُوا تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ يُبَيِّنَ لَهُمْ. Et nous n'avons envoyé de messager à son peuple, si ce n'est par la langue de son peuple, pour qu'il leur éclaircisse. Surah Ibrahim, verset 4. فَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ مِنْ عِبَادِهِ عَقْلَ وَفَهْمِ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ لَكَانَ لِسَانَ قَوْمِهِ وَلِسَانَ غَيْرِهِمْ سَوَاءً. Si Allah n'avait pas voulu que ses serviteurs comprennent et conçoivent et raisonnent, le fait d'envoyer un messager avec leur langue ou une autre langue sortait pareil. Il n'y aurait pas eu de différence. Donc pourquoi particulariser un messager pour un peuple avec leur langue, si ce n'est que pour qu'ils comprennent? وَلَمَّا حَصَلَ الْبَيَانَ الَّذِي تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةِ عَلَى الْخَلْقِ. Et si jamais ce n'avait pas été le cas, la preuve qui doit être exposée aux gens n'aura pas été faite. Quel intérêt envoyer quelqu'un vers une chose qu'il ne comprend pas et n'assimile pas, si ce n'est pourquoi lui exposer la preuve? Car l'envoi des messages, c'est ça le cause. Pour établir la preuve pour les gens. Que les gens ils aient les arguments. D'accord? Et le but, c'est quoi? Comme on l'expliquait, c'est pas non plus rester devant les gens pendant des heures à leur faire comprendre. Tu viens avec une parole claire, limpide et simple, que tout le monde comprend à la base. D'accord? Si jamais tu as fait cela, on va dire que l'argument, la preuve va être exposée. Parce que tu as des gens, comme on l'expliquait, ils veulent pas comprendre. Ils veulent du jidel, de la polémique. Toi, t'es arrivé, tu dis un exemple, telle chose, مثلاً, ce sac est noir. Ce sac est noir. Est-ce que c'est une chose qui a besoin de beaucoup de paroles? Quelqu'un va dire, mais je sais pas compris, c'est quoi un sac? Dans ta langue, un sac, c'est telle chose. Oui, mais après, fait oui, mais ce sac est noir. Oui, mais noir, comment? Je comprends pas noir. Est-ce que c'est comme les Yahoud, ils ont fait avec la Bakara, avec la vache? D'accord? Le kalam, il est simple. Le sac, il est noir. Moi, je t'ai fait comprendre la chose. Le sac, il est noir. Tu veux pas comprendre? Je ne peux rien y faire. Devant les gens qui parlent la langue, qui comprennent les choses, est-ce que c'est un sac? Ils vont dire, non, c'est un sac. De quelle couleur? Ils vont dire, il est noir. Ils ont tous compris. Après, t'as des gens, comme je t'expliquais, ils veulent pas. Là, t'es arrivé avec un kalam simple ou quoi? Toi, ton but, c'est pas de parler pendant des heures avec la personne. T'as dit un kalam qui comprend dans sa langue des mots simples avec des choses qui sont conçues auprès de lui. Ça suffit. Ça suffit largement. La religion, elle est facile. Et les bases de tawhid, elles sont faciles. قال أما قولهم إذا خاطبنا عن غائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد فجوابه من وجهين. Donc leurs paroles qui disent lorsque on parle d'une chose qui est absente, on doit en parler avec une chose qu'on a constatée, qu'on le connaît, pour la comparer, pour qu'on puisse le concevoir. Il dit, on répond à cela de deux façons. أحدهما أنما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé à propos de lui-même? Il nous a informé en apparentant cela à son nefs qui est sanctifié, comme cela lui convient, sans comparer à sa créature. وَلَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْحَمَ مِنْهُ الْمُمَاثَلَةَ إِلَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ تَعَالَى وَلَمْ يُقَدِّرُهُ حَقَّ قَدَرِهِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَدْلُولَ الْخِطَابِ الَّذِي يَقْتَدِيهِ السِّيَاقِ. Donc il n'est possible à personne de comprendre cela lorsque Allah te parle de lui-même, de comparer avec la créature, à part une personne qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne l'aura pas estimé à sa valeur. Et qui ne connaît pas également ce qu'inclut le discours qui est tourné vers lui. Donc ça, c'est le premier point. Quand lorsque Allah te dit qu'il a une main, il n'a pas dit qu'il a une main comme la tienne. Il te dit qu'il a des doigts, il n'a pas dit qu'il a des doigts comme les tiens. il t'a dit qu'il a un visage, il n'a jamais dit que son visage est comme le tien. Bel, d'autres versets disent que Laysa ka mithli shay. Ça, c'est un kalam qui est wadih ou pas? Il est wadih. Donc, on t'a dit cela. De demain, je te dis pareil, j'ai un sac. Tu dis, moi aussi j'ai un sac. Je dis, ouais, mais mon sac, il n'est pas comme le tien. D'accord? Maintenant, de créature à créature, tu vas me dire, comment est ton sac? Mais là, check. Mais à partir du moment où mon sac n'est pas comme le tien, déjà, ton sac dans ta tête, tu l'as enlevé. Mais comment il est son sac? Ça, c'est de créature à créature. Sauf que nous, avec Allah, on ne demande pas, on ne cherche pas à savoir comment. Car il a dit dans le Coran, la tadriboula ul amsal. Ne cherchez pas d'égal. Et le takif, comme cela va arriver, n'est pas permis avec Allah. Nous, entre nous, c'est permis. On parle d'une chose, tu sais te comprendre comment est la chose. Tu dis, j'ai acheté une maison. Ah, elle est comment ta maison? Tu l'as décrit. J'aimerais bien la voir. Allah, on veut le voir, nous aussi. Et fil jannah. Mais pour l'instant, en cette dunya, notre acte nous dit, on ne peut le concevoir. Ça va s'amener à s'égarer et à tomber dans l'interdit, donc on s'arrête là. Ça, c'était la première réponse. Athani, أنه لا يمكن أن يكون المماثلة مرادة لله تعالى لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال et que le fait qu'il n'est pas possible que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a cité parmi ses noms et ses sifats des choses qui sont communes aux nôtres qu'il ait voulu parler à la comparaison car cette comparaison amènera à un nox dans le haq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'avoir une croyance avec un ox. Et cela est du kouf, du dalal, de l'égarement. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُنْ مُرَادَ اللَّهِ تَعَالَى بِكَلَامِهِ الْكُفْرَ الظَّلَالِ. Il n'est pas possible que Allah ait voulu pour nous le kouf de dalal. وَكَيْفَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا. Que Allah vous éclaircit afin que vous ne gagniez pas. Sourate An-Nisa, verset 176. وَقَالَ وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Il n'agrée pas pour ses serviteurs le kufr. Sourate Az-Zumar, verset 7. Allah, il ne veut pas cela pour nous. Donc, comment il viendra avec des choses pour nous égarer avec? Aïm ta'ala? Non. Taïm. Donc, là, ce qu'on a pris aujourd'hui par rapport à Al-Mumassila. On appelle également Al-Hashwiyya. Al-Hashwiyya, c'est ce qui fait ressembler à Allah à la création. Des fois, dans les kutubs, tu vois Al-Hashwiyya, il veut dire par Al-Mumassila. Et ça, c'est que des gens de. Les ta'atils, ils attribuent aux gens de la sunnah. Ils disent que nous, on fait ressembler à Allah à la création parce que nous, on affirme les sifats. Là, une faïda qu'on aimerait prendre par rapport à ce bab, qui est أن الله, كما جاء في الحديث, خلق آدم على صورته. Que Allah l'a créé Adam à son image. ما معنى هذا الحديث? Car des gens prennent ce hadith-là également. Même chez les chrétiens, il y est. Dans la Bible, il y a que Allah a créé l'homme à son image. C'est écrit. Alors eux, ils sont partis dans tous les sens, ils ont fait Allah comme un homme, avec une barbe, avec des mains, avec des dents et tout ce qu'il y a chez l'homme, comme c'est chez l'homme. Il y a des sifats d'Allah, on ne les connaît pas, on ne dit pas que les autres les a fait, on dit on ne sait pas. Mais eux, ah, ils ont fait Allah comme un homme, d'accord? Même sur un cheval avec une épée, je l'ai vu quand j'étais jeune. Donc déjà, premièrement, Cheikh Ansemi dans Sharh al-Wasatiyya, il dit, on dit brièvement ce qu'elle aime pour répondre à ça, en premier lieu, nous on croit en Coran purement. On ne renie aucun harf du Coran, sinon c'est le kufr. Dans le Coran, Allah il a dit quoi? Laysa ka mithlihi shay. Il n'y a rien qui est comme lui. Et ce hadith, il est venu hadith authentique. La sunna, on y croit aussi. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit au début du livre, ou même tous les messagers ont décrit Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a leur parole qui nous est venue de façon authentique, on y croit également. Et on sait qu'il n'y a pas de ta'arud, pas de contradiction entre la sunna et le Coran. D'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Allah, il y a un qui est comme lui. Et on dit que le hadith, on y croit. Que Allah a créé Adam à son image. Et on croit également, l'état comme il s'est dit, que Allah, l'imam surah d'Allah, n'est pas comme la nôtre. Et cela se confirme quoi? Que Allah est une surah. Une sifatillah est une surah. Dans un hadith de Sa'd ibn Sa'd, muttafaqun alayhi, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle à propos des 70 000 qui rentrent au Jannah, qala la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhuhum à la surat Al-Qamar, Laylat al-Badr. Que les premiers de 70 000 n'entreront pas au Jannah tant que n'entreront pas les derniers. C'est-à-dire qu'ils entreront tous ensemble. Et que leurs visages seront à l'image de la lune, Laylat al-Badr. Donc maintenant, on sait. Est-ce que cela veut dire que les Bani Adam vont rentrer au Jannah avec une tête comme la lune, sans yeux, sans nez, sans rien? Non. Tout comme dans le hadith, il est venu que on rentrera au Jannah, comment? À la sourate de Adam. Comme Adam il était, alayhi salam. Ça prouve bien que le sens voulu par là, ce n'est pas qu'on va rentrer avec l'apparence comme la lune. On ne sera pas comme une lune. Je crois que cet exemple donné n'implique pas forcément la similitude. Laisse entre la créature et la créature. Entre l'homme et la lune. Donc qu'en est-il de Allah subhanahu wa ta'ala et la création? Et également, parmi les réponses qu'il y a, c'est que Cheikh Al-Faymin, il dit que là, à la suratihi, à son image, c'est mimbeb idafat tashrif, que tu apparentes une chose à Allah par anoblissement pour elle. Comme il dit, mesalen, quand Allah Azza wa Jal, « وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ » En parlant de Adam, « si jamais j'y inclus mon souffle, min rouhi » Et le ruh, Adam min al-arwah lati khalaqaha Allah. C'est parmi les souffles qu'Allah a créé. Pourtant, il a dit min ruhi. Il a apparenté ce ruh à lui-même. Comme là, il a apparenté cette sourate à lui-même. Et là, Cheikh Al-Faymin, il dit que le ruh que Allah met dans Adam, c'est parmi les ruh, arwah, qui sont créés. Donc, qu'est-ce qui empêche que cette sourate à laquelle Allah SWT a créé Adam soit une sourate que Allah a créée? Il n'y a pas d'empêchement. Et suratihi, c'est bab idafat. Le makhlouk, le khalik, il doit faire le tashrif pour anoblir cette chose, comme naqatullah, la chamelle d'Allah. La chamelle, c'est le sifat d'Allah. Seifullah, baytullah, c'est il doit faire le tashrif pour dire que la chose elle a une valeur, une grande valeur. Vous voyez, une grande valeur. Et Cheikh Ibn Baz, dans son majmou' al-fatawa, par rapport à ce hadith, il répond que na'am, le hadith, yuthbituhu, et cela ne veut pas dire qu'on fasse ressembler la créature, qu'on fasse ressembler l'homme à Allah SWT. Et le mourad min suratihi, que Allah SWT a fait l'homme samir, tout comme lui-même est samir. Qu'il a fait l'homme basir, tout comme lui-même il est basir. Que l'homme est mutakallim, tout comme lui-même est mutakallim. Seulement, ces sifat-là ne sont pas comme celles d'Allah SWT. Allah, il voit, et nous, on voit. Notre vision n'est pas la même. Allah, il entend, et nous a fait également qu'on entende. Mais notre oui n'est pas la même. Allah nous a fait pouvoir, c'est-à-dire qu'on puisse parler, tout comme lui-même, il parle. Mais notre parler n'est pas le même. Donc, Allah nous a fait sa sourate, فهمت? Notre sourate n'est pas la même que la sienne. فهمت? Après, il faut fermer les portes. Car on vient en quoi? Là, c'est parmi les choses, les mutashabihat, les choses qui sont équivoques. On revient à quoi à ce moment-là? Au muhkama, aux choses qui sont claires et effectives. Leïsa kamith lehishay. Ça, ce sont des versets muhkama, on revient toujours à ceci. D'accord? Non. Donc, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Les mushabbiha. On appelle mushabbiha, mumathila et hashwiya, ceux qui font ressembler à Allah, sa création, ou le contraire. Et waraden, on prendra le muabtila, inshallah ta'ala. Ma foumada, fa'ilahuna, wa alhamdulillah rabbil alamin.